Bonjour! Coucou! Hello! Alors, ici Elkatou pour ce nouveau podcast accompagné de Nelson. Yes! Bonjour tout le monde! Accompagné de Nio. C'est moi! Et on a un invité de passage qui est notre cher Geoffrey de toute la culture. Salut! Pour débuter l'année, on a choisi de parler de celle qui vient de passer, pour faire original. Hein. Enfin, original. Alors, tout simple, on va évoquer nos tops et ainsi que nos flops. Et pour commencer avec nos tops, on va commencer avec Nio, en fait, parce que, ouais, toi. Elle me prend en dépourvu. Toi! Alors, pour toi, en fait, dans les tops, Moi, je préfère cinéma. dire bilan, mais ouais, il y a quand même Ah, quand même, une poignée enfin, de films qui se en dégagent. tout cas, de ce qui s'était dégagé de ton, de tes notes, de ton listing et tout, t'avais Gagarine, Ouais. Boîte Noire et Le Sommet des Dieux, Tout à fait. tout en haut de la liste. Voilà, c'est des films que. Bah, même, j'en avais même recommandé Boîte Noire et Le Sommet des Dieux à notre cher Nelson. Et c'est des films que je me rêverais volontiers. Voilà, quoi, c'est. Pourquoi? Parce que Boîte Noire, on en a déjà parlé dans le poney, c'est pour moi un thriller que je trouve très bien mené, tout ça. Le Sommet des Dieux, c'est un film vraiment excitant, qui est vraiment bien foutu pour l'animation française. Français, monsieur! Français. Et Gagarine, parce que on s'attend pas à avoir un film qui parle de la banlieue, tout ça, avec autant de tendresse et une mise en scène aussi magnifique, donc voilà. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit c'est enfin quelqu'un fait un film sur la banlieue avec des travelling, avec Alors, non, non, c'est pas le premier film là-dessus, on est d'accord. Mais voilà. Mais non, mais on avait discuté par exemple d'un film comme Bac Nord. Bac Nord, Bac ouais. Nord qui reprend à nouveau Marseille, etc. Attends. Voilà, j'ai pas envie de faire dans le glauque tout ça, mais Gagarine, les habitants ils parlent de leurs problèmes, tout ça. Il y a une éclipse de soleil qui se pose à ce moment-là. Là, c'est toute une barre d'habitation qui est la barre Gagarine qui va être détruite, sauf qu'il y en a qui veulent pas partir, et il y en a un qui va essayer de se faire un peu qui est passionné par les étoiles, qui va se faire un peu son habitation, comme si c'était un truc de science-fiction, quoi. Et le film va se passer de ce moment-là, va diverger dans une autre direction, et j'en dis pas plus, quoi, parce que c'est assez surprenant. Il y a même des séquences complètement poétiques où tu vois même quelqu'un qui essaie de tourner comme les tourneurs derviches de Turquie sur du Gainsbourg, un vinyle de Gainsbourg qui tourne, etc. Ah Là, ouais. c'est vraiment, c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment un film que je conseille de revoir, tout comme les autres qui ont été cités d'ailleurs. Par rapport à ça, oui, c'est Gagarine, c'est clairement le. Bah, il y a des années comme ça où on ne met qu'un seul film dans son top. Moi, je mettrais vraiment que ce film-ci pour 2021, parce que c'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'ai vu en rentrant dans la salle, et c'est vrai que par rapport au thème traité qui a déjà été traité, là c'est un film où il y a un vrai point de vue et un vrai talent, et c'est vrai, comme disait El Cato, qu'on remarque avant toute chose la réalisation, mais qu'elle est mise au service d'une vraie ambiance et d'une vraie humanité, et que tout ça s'est fait avec pas grand-chose en fait, avec des moyens assez réduits. Et c'est jamais glauque, quoi. Il y a une vraie ambition d'éviter tout le pathos qui serait surfait, tout ça, et d'aller droit au but. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a, il y a des moments, comme tu décris justement ces espèces de moments de flottement, trucs un peu magiques et tout, dans la mise en scène, dans la mise en image, ça se ressent pas mal. Je veux dire, c'est pas comme un truc genre, c'est un peu pathos ce que je vais dire, mais genre une espèce de folie à la pardon, Miracle à Montfermeil. Tu te souviens ce film qui était sorti, Ah, je l'ai pas Merveille à vu. Montfermeil, qui était une espèce de truc de trip un peu halluciné, C'est pas censé être une comédie, bah en ça? fait c'était une espèce de comédie absurde, mais des fois t'avais des moments un peu genre d'envolée comme ça où il montrait la cité, mais malheureusement c'était ça tombait vraiment à plat. Donc du coup je me posais la question, si est-ce que c'est des espèces est-ce que ça maintient dans une espèce le film tout le film dans une espèce de rythme? Ou alors est-ce que des fois il y a des trucs qui justement coupaient ce rythme? Alors, j'ai pas vu Miracle à Montfermeil, mais je vois ce que tu veux dire, et pour moi, il n'y a pas de coupure du tout. Le film garde son unité de bout en bout, c'est-à-dire qu'il doit durer 2 heures. Ouais, 2 heures, mais il n'y a pas de temps mort, il y a des moments de flottement, mais c'est au sein du film, c'est tout colle. Tout colle. C'est D'accord. pour ça que Geoffrey ici présent, il pourrait même dire que c'est un petit miracle, et oui, je le pense aussi. Et j'ai observé ça dans les autres qui ont vu, les rares personnes qui ont vu le film, qui l'ont aussi mis très haut dans leur bilan ciné, quoi. Donc là, ça fait plaisir à mon. Et c'est français, monsieur. Français. C'est français, de France. D'ailleurs, Katou, ouais, c'est trois films français d'ailleurs, sur voilà, dans mon top, Ouais. c'est assez étonnant, quoi. Ouais, c'est assez rare pour être noté. Voilà. D'ailleurs, donc ouais, en plus Gagarine, tu l'as en commun en top avec Geoffrey. Je suis le seul à avoir vu Boîte Noire ici. Moi, je l'ai loupé malheureusement. Pareil. Très proche du Chant du Loup. Le Chant du Loup, ouais, qui était très très bon, très très bon film. Eh ben, Boîte Noire, c'est pareil, donc tu ne seras pas déçu. C'est... D'accord. Mais ça, c'est plus sous-marin, c'est dans un avion. Mais c'est la Ouais. thématique du son, etc., qui se retrouve. D'accord. Et le sommet des dieux, tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est une... donc c'est un manga à la base qui est dessiné par Taniguchi et qui retrace en fait dans les années 80, pendant plus d'une décennie, tous les gens qui ont essayé d'escalader l'Everest, sachant que c'est un des sommets les plus difficiles à monter, à escalader, tout comme le K2. Et à chaque fois, il y a eu des gens qui ont disparu, qui ont été pris en avalanche, on les a jamais retrouvés. Et le film s'ouvre sur une légende qui est effectivement vraie en plus, qu'il y a dans les années 20, quelqu'un qui a un Allemand qui a essayé d'escalader le truc, et on a juste retrouvé son appareil photo. Est-ce que le mec a réussi à monter et il est passé de l'autre côté par la frontière en Inde, tout ça, etc. Ouais. On sait pas du tout, mais on a retrouvé son appareil photo. Donc si lui qui arriverait à développer cette pellicule des années 20, arriverait à trouver la solution, si le mec était encore vivant à ce moment-là, tout ça. Et on va suivre le parcours d'un quelqu'un qui fait de l'escalade, qui est un champion, qui est très enfermé par contre humainement, qui est vraiment une espèce d'ours, qui lui, il veut à tout prix escalader l'Everest, tout ça, en solitaire quasiment, ce qui équivaut presque, c'était pas le bon niveau, etc., c'est du suicide. Ouais. Et il y a un journaliste qui est tellement admiratif qu'il va essayer de le suivre dans son parcours. Alors le manga à la base, ça fait 5 gros tomes. D'accord. Le film fait 1 heure et demie. Donc on se doute qu'il y a des trucs qui ont été condensés, qui n'ont pas été repris. Moi, quand j'avais lu le manga, il y a un moment, une voiture, quelqu'un qui était kidnappé, donc une course-poursuite avec des Range Rovers, etc. C'est pas dans le film. Ça durerait trop long, etc. Le film va à l'essentiel, il coupe vraiment à l'essentiel. Il prend les points importants et il relie tout. Mais ça tient. Ça tient, c'est ça. Et graphiquement, c'est magnifique. Et ils ont pris donc... C'est des gens qui doublent en français des japonais, mais comme c'est des artistes, ça vient du Japon, c'est un manga japonais, et des passages quand même en japonais, sous-titres en français, pour garder vraiment le ton du manga de base de Taniguchi, quoi. Et donc c'est hyper respectueux, hyper bien foutu, et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Allez le voir. Allez le voir. Et sinon, après, pareil, dans ton top, mais un peu en dessous, t'avais le peuple loup, Lamb, et Sans un bruit d'eux. Alors, le peuple loup et Lamb avec... non, les Mitchell contre les robots, pardon, excuse-moi. Le peuple loup et Lamb, les trois ex aequo. Oui. Alors, je vais livrer quelques petites anecdotes, histoire de parler des films, mais d'une manière détournée pour aller plus vite. Les Mitchell contre les robots, je l'ai conseillé à ma famille. Mon père a pas aimé du tout. Au bout de 10-15 minutes, il me fait, oh non, je peux pas, le père de famille, là-dedans, c'est un gros crétin, etc. Et moi, mais papa, c'est normal, elle est un peu en rébellion avec sa famille, et c'est comme dans tout film, et avec une quête, elle arrive à se lier avec son père, etc. Et moi, ça m'a touché parce que la fille, elle fait des vidéos, etc. Ça, moi, je dessine, mais on fait aussi nos petites vidéos pour le pony, on fait des trucs, etc. Donc, il y a ce côté un peu créatif avec son père qui ne la comprend pas. Et il y a cette invasion de robots qui arrive. Et c'est d'ailleurs, c'est très marrant, c'est une intelligence artificielle qui décide de prendre le pouvoir parce qu'il est traité comme de la merde par les humains, Ouais. comme tout plein d'applis, Comme que tu tout sais plein d'applis, que... voilà. Ouais, voilà. Et alors, je vais pas en dire plus, j'ai beaucoup aimé tout ça, c'est dommage qu'il a pas vu jusqu'au bout, mon papa, parce que j'ai dit à ma mère, j'ai fait, non mais, regarde-le jusqu'au bout, en entier. Parce que même personne de ma mère, je me suis retrouvé avec ma mère elle-même, qui est sur Instagram, et donc comme dans le personnage féminin du film, tu fais, d'accord, et là, même comme dans le film, tu te dirais, avec un filtre chaton, ça va passer. Donc voilà, non, c'est, je sais qu'il y a peut-être le film a peut-être été moins apprécié tout ça que d'autres, mais je pense pas qu'il y ait un rejet total non plus pour le film, quoi. Je pense qu'il a assez bien marché. Peut-être les gens ne mettront pas une note aussi élevée que Bah, de toute moi, façon, mais Mitchell contre le robot, il est sur Netflix, donc c'est il a ça. une durée de vie en Il devait, visionnage qui est quand même beaucoup plus large que s'il était sorti en ouais, et salle. il devait sortir en salle quand même à la base. Mais bon, il Ouais. est sorti sur Netflix, je sais pas pourquoi, pour un problème. Bah oui, il y a eu un nouveau confinement, etc. Tout ça, donc il a Ouais, bah débarqué sur Netflix, oui, quoi. c'est à mon avis, c'est au deuxième confinement que ça a dû arriver, je crois. C'est ça, ouais. Lamb. Lamb, je l'ai vu en festival, Lamb. Et j'étais très content qu'il le sorte en fin d'année. Là aussi, c'est un film qui va pas forcément remporter l'adhésion de tout le monde, mais moi je le place très haut sur un piédestal. Ce sera peut-être pas l'avis de Katou qui va en parler peut-être juste après, mais pour moi c'est un conte très noir. Tu dis ça comme si j'allais dire que c'était une merde, c'est pas vrai. Non, mais... Est-ce que dans L'Ambre il y a Lambert Wilson? Ouh, toi tu dis ça parce qu'il y a un Lambert Wilson qu'on a vu à la fin d'année. On va établir une règle, d'accord? Pas de jeu de mots. Non mais c'est parce qu'on a Lambert Wilson qui arrive dans Matrix à la fin de l'année. L'Ambre, c'est un conte noir qui magnifie les paysages d'Islande. Et en plus, le mec qui a fait le film déjà à la base, il avait raconté dans le dossier de presse que pour lui, c'était aussi un hommage à son enfance, qu'il a vécu en une ferme, etc., avec les ovins, donc les bovins, les cochons, les moutons, ouais, tout ça. Donc il sait très bien de quoi il parle déjà en filmant ce milieu-là. Et du coup, il n'avait plus qu'à broder, tout ça. Après, il est bien aidé parce qu'il y a un écrivain islandais qui l'a aidé pour le film, etc., qui est aussi le parolier pour Björk à la base, John. Enfin, tous les films qui viennent d'Islande, c'est un peu John qui écrit le scénario, donc voilà. Et on est content de retrouver Noomi Rapace, on est content de voir le petit triangle qui se dessine, une espèce de petit triangle amoureux qui est inséré dans le film. Après, je n'y ai pas réfléchi outre mesure, mais j'ai pris le film tel qu'il est, c'est une espèce de conte noir. C'est pour ça que quand j'ai appris qu'il devait sortir à la fin de l'année, juste après Noël, j'avais un peu halluciné pour dire « Waouh, je sais pas comment vous allez le vendre, mais le 29 décembre, en mettant votre plus beau conte de Noël qui arrive, non, non, non, parce que c'est pas pour les enfants, quoi. » Et voilà. Donc je conseille le film aussi pour apporter une espèce de dépaysement bienvenu. Et enfin, Le Peuple Loup. Le Peuple Loup, je l'ai vu avec notre cher Geoffrey ici présent. Alors, le truc, c'est que c'est le troisième film de Tom Moore, c'est ça? Et je n'ai pas vu le premier, Brandon et Secret Kells, qui a une très bonne réputation. Par contre, j'avais adoré Le Chant de la Mer, qui parle des sirènes, des selkies, tout semble. Les selkies, c'est quand on revêt une peau de phoque, etc. La femme se transforme en phoque. C'est une espèce d'alternative irlandais à la sirène. D'accord. Et là, c'est avec donc la lycanthropie, donc oui, on peut dire qu'il y a du loup-garou, parce que c'est des gens qui changent en loup, tout ça, etc. Mm-hmm. Et c'est à nouveau une espèce de conte qui est très bien fait graphiquement, parce que il adapte à chaque fois son style. Là, donc, il est avec des hachures, tout ça. Il est vraiment adapté comme une espèce de conte qui fait, voilà. Après, j'ai trouvé le film un petit peu manichéen comparé à le chant de la mer. Je crois que on était d'accord pour dire qu'il y avait quand même des petits trucs. Tu te disais, plus point de détail, que t'es un petit peu manichéen, que t'es un petit peu dans les méchants et les personnages. Mais aussi pas mal de bonnes idées. Et un truc que j'aime beaucoup, est-ce que c'est un passionné de jeux vidéo ou pas, je sais pas. Mais pour ceux qui ont joué à Zelda, The Legend of Zelda Twilight Princess, Link à un moment se transforme en loup. Et là, en loup, avec la manette, on a de nouvelles aptitudes, il peut suivre les odeurs, donc il peut suivre des pistes, l'écran vire au noir, etc. Ça, c'est un truc assez génial qui n'a pas été exploité dans le jeu vidéo. Et là, dans Le Peuple Loup, tout à coup, quand elle se transforme en loup, elle peut suivre les odeurs et des pistes, comme si c'était le seul truc que tu pouvais voir, et ça traçait des pistes au sol, etc., tu pouvais suivre les pistes. Et du coup, c'est presque en accéléré. On peut penser à plein de références, peut-être que c'est la référence comme Wolfen, film culte des années 80 avec les loups-garous, mais je pense pas, je pense que c'est vraiment la culture actuelle. Et Tom Moore, avec sa propre sensibilité, qui fait un film d'animation pour petits et grands, et qui est vraiment aussi à nouveau une espèce de féerie. On va rencontrer dans mon top plein de trucs, c'est un peu des trucs féeriques, comme si on voulait s'échapper un peu de la pandémie de 2021, trucs un peu merdiques, et ouais. Oui, effectivement, il y a peut-être de ça. Alors, sinon, juste pour les citer, dans la suite de ton top, tu as Sans un bruit 2, Teddy, Free Guy, Les sorcières d'Akelar, Malignant, Illusion perdue, et Barbac. Juste, est-ce que tu peux nous parler des sorcières d'Akelar? Oui, je voulais passer très vite sur les autres films en disant que j'ai beaucoup pris mon pied sur Free Guy et Malignant. Et sorcières d'Akelar, du coup, c'est donc un film qui parle de sorcières. C'est obvious. Mais ça se déroule en Espagne. Et en fait, c'est très vite, le parti pris du film est très féministe, puisqu'il va montrer que n'importe quelle femme peut être une sorcière, surtout si c'est le pouvoir qui l'accuse au pouvoir en place, qui ne veut pas... Là, en plus, ce sont des femmes de pêcheurs. Et les pêcheurs, on les dit dans le film, qui sont déjà révoltés contre l'église, tout ça, etc. Ils ont été battus, tout ça, il y en a qui ont été pris en chaîne. Donc, le village n'a plus que des femmes, il y a très peu de pêcheurs, donc le village ne vit quasiment plus, parce que c'est les pêcheurs qui apportaient les revenus, tout ça. Donc, les femmes qui restent, soit elles vont tisser des filets, etc., elles vont vendre leurs trucs, soit il y en a d'autres qui vont peut-être se prostituer, et puis il y en a d'autres aussi qui vont être prises pour des sorcières, entre guillemets, parce qu'on les aurait vues en pleine nuit, à la lune, chanter, etc., tout ça. Mais on peut accuser n'importe qui dans ce sens, n'importe qui qu'on peut accuser de sorcière, etc., qui pourrait chanter toute seule parce qu'elle serait pas avec son mari, tout ça. Et le film part de ce postulat, et l'inquisiteur va ensuite emprisonner d'autres femmes, qui sont toutes des amies, et on va voir comment elles vont résister, sachant que elles savent que la potence pas la potence, le fait d'être pendu, mais le fait d'être brûlé vive, les guettes. Et que le seul moyen d'échapper serait peut-être que les quelques hommes qui restent, qui reviennent de la pêche, pour pouvoir à nouveau protester, etc., etc. Sauf que le procès est accéléré pour vraiment les éliminer avant le retour des hommes. Et d'un coup, c'est le drame sonore. Plus de micro. Et je vais pas en dire plus, il y a une manière qu'elles vont choisir de se sortir qui est un peu désespérée et qui va prendre l'oppresseur un peu dans son piège au dernier moment qu'elle va retourner. Et c'est vraiment brillant, c'est vraiment bien construit, bien fait. Et on suit le film au fur et à mesure comme une progression. On a vraiment envie, on veut pas louper la fin, qu'on est vraiment scotché jusqu'à la fin. Alors on va passer à toi, mon cher Nelson. Ouais. Bah toi t'en as un en fait, c'est Suicide Squad. Ouais, alors on revient de loin, hein. Franchement on revient de très loin, hein, parce que bon, moi j'avais vu celui qui avait tant été décrié en 2017, et je me suis dit, quand je suis parti le voir, j'avais mon neveu avec moi, je me suis dit bon. Et j'ai des potes qui m'ont fait un petit retour du truc, ça a l'air d'être pas mal, je vais aller me faire mon idée. Et j'y suis allé et j'ai vraiment bien aimé, parce que alors c'est clair que c'est pas à mettre entre tous les publics. Clairement, c'est assez gore, c'est assez explicite, il y a des séquences qui sont assez violente quand même. Mais c'est ça qui fait plaisir justement de voir à l'écran. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien utilisé. Et en plus de ça, ils font revenir un personnage au début du film, qui était dans le film précédent, qui se fait tuer, qui se fait tuer, et ça montre vraiment la cassure entre les deux épisodes. Donc l'épisode qui n'a pas eu de chance, c'est celui qui a mieux marché. Et je dois dire que le rôle de Idris Elba, il est vraiment dans le personnage totalement. Après, moi, j'ai un petit problème, parce que le mec, il a un accent londonien à couper au couteau. Donc, avec sa fille, la fille qui joue sa fille dans le film, ça détonne un petit peu. Mais sinon, ça se tient à peu près. Je veux dire, les personnages sont tout à fait bien interprétés. Moi j'aime bien la dualité qu'il y a entre le personnage joué par John Cena et Idris Elba. Il y a une espèce de duel, enfin de vraiment genre c'est un jeu de couilles quoi, qui est vraiment très drôle pour le coup. Après voilà, c'est très explicite, c'est très imagé, c'est très coloré aussi. Couleur sang de préférence, mais le rythme est bon, la BO est très bonne. Il y a certains trucs que j'ai pas trop compris. C'est très axé sur comment ça s'appelle, Harley Quinn. Donc c'est assez drôle. Après il y a certains trucs que j'ai pas trop compris avec la mise en scène, pourquoi on concentre plus sur Harley Quinn. Mais sinon je trouve que c'est assez équilibré. Qui a des trucs qui sont très drôles. Moi, le super-héros qui lance des espèces de capsules, là. J'ai plus son nom, et qui voit Paul sa mère partout. Man. Ouais, qui voit sa mère partout. Ça m'a fait mourir de rire. Super voilà. Bien géré. C'est parce que t'es vraiment dans sa psyché, quoi. Donc c'est... T'as vu ça? Il y a un truc, ouais. On est vraiment dedans et on sort pas du film. Le film ne nous sort pas volontairement pour dire, regardez, regardez tel truc, non, là on est en immersion totale, et donc du coup je trouve que ouais, on revient de super loin, et que personnellement c'est vraiment dans mon top. Parce que comparé au précédent, là tu dirais que ce qui fait tout le charme de ce film là comparé au précédent, c'est une mise en scène, c'est les parties pris graphiques. Clairement, je veux dire, le premier était très sombre, c'est-à-dire dans l'image, le premier était très sombre, celui-là je dirais pas que c'est pop, tu vois, parce que... Tu peux dire que c'est le contre-pied. C'est le contre-pied total. Il y a dans la mise en scène, même dans le rythme d'un truc. Enfin, moi, je l'ai vu en VO, je l'ai pas vu en VF, mais moi, voilà. Je trouve qu'il y a, sur celui-là, il y a un côté blockbuster indie, quoi. Ouais. Quelque part, ouais. On sent qu'il est calibré pour être un blockbuster, mais en même temps, il y a une patte indie, quoi. C'est pas... ouais, puis il y a... C'est James Gunn, non? mais il y a un truc de dire, il y a un truc de faire quand même un gros doigt, quoi, genre, ouais, moi je vais mettre du gore, je vous emmerde. et que tu regardes le truc et tu dis putain ouais bah ouais c'est ça va loin. Après c'est pas en mode genre gore à des tripasses et tout tu vois, mais bon il y a des séquences des fois où tu dis ah ouais quand même. Voilà, mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment un très bon film qui est dans mon top clairement. Alors de mon côté, moi j'avais Dune, The French Dispatch et Last Night in Soho. Dune, très bon Dune. Bah Dune, ouais, qui est, alors je le trouve beaucoup plus accessible que celui de Lynch. Après bon, parce que Lynch est particulier, etc. Mais vraiment en fait, il est beaucoup plus facile à avaler, beaucoup plus facile à ingérer que celui de Lynch. Alors ok, il y a des couleurs un peu tristounes, grisouilles, enfin voilà tout, mais c'est un style et finalement visuellement il y a une espèce d'ampleur et de cinématographie qui est vraiment pas désagréable. Alors moi j'avais entendu la critique, oui mais tu te rends compte, c'est vachement épuré, il y a pas de déco machin tout. Mais mon gars, c'est un monde imaginaire en fait. Oui. Pourquoi tu veux y transposer une logique voilà, enfin c'est pas, même quand bien même moi qui l'ai vu, je trouvais que c'était très grandiose plus dans les paysages extérieurs et dans la mise, ouais, en scène extérieure que dans la mise en scène intérieure. Oui, en fait tu sens que c'est une espèce de simplicité à l'intérieur, ouais, et que finalement tout ce qui est toute l'ampleur de ce que sont les deux peuples, en fait, les deux familles, tu le sens dans tout ce qui est décorum, paraphes, etc., ouais, tous les trucs, quand ils sont auprès des autres, en fait. Ouais. Mais après, alors bon, c'est soi-disant, oh, surprise, il y a une suite. Non, enfin, quand tu vois la fin, c'est évident qu'il y a une suite, quand on c'est sait. Sûr. Enfin, tu peux pas terminer comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Je veux dire, qui était naïf vraiment réellement sur là-dessus. Et finalement, de le diviser, et donc d'étaler vraiment le récit, c'est bien parce que ça permet de prendre son temps sur chaque chose, sur ce qu'on veut, ce que le réalisateur veut faire ressortir au niveau des personnages, au niveau des actions, et finalement pas de rusher et d'avoir à se demander au montage, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais couper, et finalement on va voir que bah il a coupé un truc essentiel quoi. Ouais. Donc non, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que finalement moi dans la version de Lynch, ce qui m'avait plu, c'est justement plus la suite par rapport de ce qu'on n'a pas vu dans le récit. Oui, tu veux dire la deuxième partie du film de Lynch. Voilà, c'est ça. Et j'ai hâte de voir comment, si ça peut être plus ou moins intéressant, parce que vu ce qu'il a fait avec la première partie, ça me laisse vraiment hypé, quoi. Moi, je trouve, si je peux me permettre, Donc moi, c'est vrai que le film est clairement accessible. Au début, j'avais quand même un gros a priori, parce que je me suis renseigné auprès de gens qui avaient vraiment tout lu, tout vu de ce truc-là, et qui m'avaient dit au final, vas-y les yeux fermés, parce que tu vas voir que tu regretteras pas. Et franchement, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans la mise en scène, ou bah, voilà, l'histoire qui est racontée, on est complètement, c'est welcome quoi. On n'est pas exclu du truc, et franchement rien que pour ça c'est vraiment déjà un tour de force, surtout venant de la part de Villeneuve. Je suis pas fan moi du cinéma de Villeneuve. Ah, par contre moi c'est vrai que j'aime bien. Voilà, je suis pas trop fan de Sicario, j'ai pas aimé Blade Runner, ça m'a fait chier, mais je préfère le dire très honnêtement. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais je suis pas fan de ni de sa mise en scène ni de sa photo, mais là pour le coup je dois avouer que je m'incline, parce que franchement la mise en scène, la photo, le rythme, le montage était vraiment, enfin moi j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment le genre de film que tu te pointes avec un gros sac de bonbons et que tu éclates le sac au bout des 2h45, t'es monté dedans quoi. Voilà. Après moi j'avais The French Dispatch, et pareil, les critiques j'ai entendu, oui, ah mais Wes Anderson fait toujours de Wes Anderson, machin tout, mais, enfin, ah bah oui, Enfin, je veux dire, il y a un moment, un réalisateur qui a un style particulier, il va pas en changer juste pour faire plaisir et dire, regardez, je peux faire autre chose. C'est pas obligé. Il y en a qui le font, mais c'est pas obligé non plus. Et en l'occurrence, je trouve que sur The French Dispatch, il y a un travail énorme. Ça se voit en termes de réalisation, en termes de, enfin, de la part des acteurs aussi. Enfin, voilà, il y a une histoire vraiment, vraiment intéressante et cohérente. Enfin, au niveau des scénarios, c'est il est vraiment bien fait, donc enfin je vois pas, oui c'est clean, c'est assez lisse, bon voilà, c'est ça coule tout seul, mais après c'est un truc où on peut plus ou moins adhérer, hein. Ça mmh. je comprends, ouais. Ça personnellement je comprends, mais après on peut dire non, moi j'aime pas trop genre truc, c'est pas un film, mais la critique de dire Wes Anderson fait du Wes Anderson, ça va quoi. Bah ouais, après je trouve qu'esthétiquement ce film là est très très beau, surtout la première partie avec Benicio del Toro et ouais, c'est ma partie préférée, moi aussi on sait pourquoi. Une fois je l'ai pas trouvé agaçante la... Ouais, comment elle s'appelle déjà, rappelle-moi. C'est Léa Seydoux. Léa Seydoux, merci, l'école de la vie. Et esthétiquement c'est extrêmement beau, bien que ce soit en noir et blanc, on est d'accord, ouais. pour les passages racontés c'est extrêmement beau, j'aime beaucoup le monde qui est développé à travers les anecdotes racontées par les protagonistes. J'aime beaucoup le monde qui est développé derrière. Après, il y a peut-être une cassure dans le rythme. Je trouve le scénar, il y a des choses qui sont, enfin pas le scénar, mais pardon, mais dans la mise en scène et dans le rythme du film, il y a des choses qui auraient pu être écartées pour être un peu plus fluides. Mais dans l'ensemble, c'est un film très correct. Esthétiquement, il est magnifique. Et je trouve que, c'est pas son meilleur. Mais, il y a des épisodes dans le, il y a des, comment dire? Des histoires dans l'histoire. Des histoires dans l'histoire qui sont vraiment, vraiment passionnantes. Et la première est magnifique. Moi, il y a un truc qui m'a un peu embêté, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui se pressent pour jouer dans ces films. Et du coup, il y en a qui apparaissent 2 secondes. Ouais. Et là, tu te dis, oh, il y a Saoirse Ronan, et il est déjà parti. What? Ah, il y a William Dafoe, et il est déjà parti. Et tu te dis, mais pourquoi? Et même là, le protagoniste principal qui crée le journal, donc Bill Murray, qui est pourtant un des acteurs fétiches de Anderson, on voit surtout un peu au début, à la fin, pour dire, oui, il faut corriger ça, etc. Et puis, c'est tout, tu fais, ouais. Même Owen Wilson qui part, qui est en vélo, etc. Je me suis dit, à un moment, oh tiens, c'est Owen Wilson, mais on le voit même on le voit à peine, quoi. En fait, tout va très vite, c'est beaucoup d'acteurs et certains ont effectivement beaucoup plus de temps de parole ou de présence que d'autres, quoi. Et c'est toujours un peu dommage qu'il y ait d'autres acteurs qu'on apprécie, qu'on voit à peine. Moi, je tiens à préciser que j'ai préféré les. Je suis vraiment rentré dans le film à partir de la deuxième partie, en fait. Ce que j'ai aimé dans la deuxième partie avec Frances McDormand et Timothée Chalamet. Et puis dans la troisième partie, c'est que ça renvoyait à des choses vraiment assez françaises, en fait. La première, mai 68, et la deuxième, mai 68, et la troisième, la cuisine. Là, j'ai trouvé la première, le premier segment avec Benicio del Toro et Adrien Brody très très beau esthétiquement, mais ça aurait pu se passer dans un autre pays, voilà. Et côté acteurs qui apparaissent peu, je voudrais surtout saluer Christophe Waltz, le pauvre. Ouais. Et je voulais juste signaler, il y a Stéphane Bach dedans. Alors Stéphane Bach, pour ceux qui ne savent pas, c'était le gamin qui faisait, qui avait une toute petite séquence de stand-up à la toute fin du Grand Journal, à l'époque de Denisot, et qui était un gamin qui devait avoir 15-16 ans. Et que là, maintenant, on recommence à le voir à la télé, enfin pardon, au cinéma. Mmh. Et là, de le voir chez Anderson, j'étais assez surpris. Donc voilà, c'est une bonne surprise de le retrouver là, en tout cas. Bah, y a un film qui est sorti récemment avec lui, Twist à Bamako. Ouais, ouais, j'ai vu ça aussi. Mais en termes d'apparition rapide et tout, en fait, c'est pas inhérent qu'à Wes Anderson, parce que quand tu vois le dernier Ghostbuster, en fait, où t'as J.K. Simmons, tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là, en fait. C'est le bonhomme dans le cercueil. Hmm. Dans le film, tu l'as vu, le dernier Ghostbuster. Non, je l'ai pas vu. L'architecte dans le cercueil, c'est J.K. Simmons. Ah ouais, et ça c'est dommage, c'est survolé voilà. À peine 2 secondes, tu fais, mais pourquoi il était là-dedans, pourquoi? J'avais aussi Last Night in Soho, que je trouve beaucoup plus défini, beaucoup plus... ça peut facilement être mon préféré de d'Edgar Wright, parce que ça fait pas appel à des trucs inhérents à lui, et à ses souvenirs, à son vécu, contrairement à la trilogie Cornetto, par exemple. Voilà, des films comme Baby Driver ou Scott Pilgrim, je trouve qu'ils étaient assez bancals en fait. C'est-à-dire, je saurais pas trop à quoi c'est dû, mais comme si il savait pas où aller, enfin, comme s'il avait son sujet, mais qu'il savait pas comment le définir réellement en fait. Qu'il savait dire voilà, ouais, moi je veux ça, mais finalement bout à bout en fait ça donne un truc un peu bizarre. Après je sais que Scott Pilgrim il y a une énorme fanbase derrière, mais je le trouve sympathique, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est un chef-d'œuvre ou que c'est un truc énorme. Mais par contre celui-là en fait je trouve alors ça fait hyper cliché de dire ça, mais je trouve que ça fait film de la maturité, quoi. Ça fait, mais grave, c'est ah ça. Ah ouais, c'est très cliché. Ouais. Ah ouais, c'est énorme cliché. Mais tu sais, c'est comme si, enfin, il avait vraiment, il avait, alors je sais pas si c'est dû au fait que ça se passe dans les années 60, je crois. C'est, donc, mais il y a vraiment un côté, ouais, c'est clean. J'ai été assez agréablement surprise sur celui-là parce que je me suis dit, je voyais plein d'avis, ah, c'est trop bien et tout. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est plutôt saoulant parce que tu te dis, à chaque coup, je vais être déçue, enfin bon. Mais, non, celui-là, il est, c'est presque, je saurais même pas dire si, tu vois, si on dit pas que c'est Garrett, est-ce qu'on peut dire que c'est lui? Tu vois, je sais pas. Après, en ex-aequo, moi, j'avais Illusion perdue et Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah qui a vachement marché aux États-Unis parce que, bon, forcément, c'est inhérent à l'histoire nord-américaine. Parce que c'est une histoire vraie. Aïe! Il est mort de rire, studio. Parce que j'ai pas... Parce que moi, j'avais c'était ma grande sœur qui l'a vu. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on faisait le même jeu de mots, c'était Judas and the Black Jean Messia. C'est pour ça. À chaque fois, ça me fait rire. Je suis vraiment désolé, j'aurais pu vous épargner ça, mais il fallait que ça sorte, sinon vous m'auriez trouvé mort de rire pendant 20 minutes. Mais oui, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, en plein truc, tu te serais mis à rigoler. Mais... Donc ouais, Judas and the Black Messiah, qui est une histoire vraie en fait, parce que c'est l'histoire d'un petit malfaiteur qui s'est fait pincer par le FBI, parce qu'en fait il se faisait passer pour un mec du FBI pour voler des bagnoles, et jusqu'au jour où en fait le vrai FBI l'a pincé. L'a chargé de, enfin, il a fait un deal. Il a fait un deal pour intégrer le parti des Black Panthers et s'approcher de la star montante, de cette époque-là pour pouvoir rencarder le FBI. Ouais. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, du coup, c'est, on a des acteurs, les acteurs du moment, en fait, là, Keith Stanfield qui joue le mec, le malfaiteur, en fait, qui se fait pincer, qui est obligé, c'est lui le fameux Judas, en fait. D'accord. Et qu'on a vu dans Get Out, on a vu, d'un film, je sais plus, comment c'est, attends, je me souviens plus, ah oui, Sorry to Bother You, qui était vachement bien aussi. Qui va bientôt être disponible, semble-t-il, sur Netflix. Ah. Donc peut-être qu'il me semble que c'est en février. J'ai vu passer l'info. Donc voilà. Ouais, il est assez stylé comme film. Ouais. Ouais, ouais. Et forcément Daniel Kaluuya, qui est aussi dans Get Out et qui était dans Black Panther, qui est un acteur anglais à la base. Ah. Qui avait, moi je l'avais. Ah. Mais oui, bah oui, Daniel Kaluuya, il est anglais en fait à la base. Je savais pas, moi je pensais que c'était un. Mais non, c'est trop marrant parce que le mec à la base c'est un anglais et qui joue un héros américain en fait, donc si tu veux, enfin en tout cas un gros porte-parole de l'histoire nord-américaine et c'est marrant en fait cette capacité qu'ils ont les acteurs anglais à se fondre en fait dans les personnages américains. Ouais, bah oui. À noter Shamir Anderson dans ce délire là. Ah ouais, qui joue dans le prochain John Wick. qu'un anglais pur jus, j'ai oublié que le quartier jamaïcain à Londres, et qui en fait voilà joue des héros américains qui passent super bien, et voilà quoi. Et moi je me rappelle Daniel Kaluuya, je l'avais vu dans une sitcom, enfin plus ou moins, c'est pas sitcom mais un programme, enfin un truc plus ou moins humoristique anglais qui s'appelait Psychoville. Et je trouvais qu'il jouait mal à cette époque. Et je me dis, putain, comment il est passé de ça à ça, quoi, tu vois? Peut-être qu'il était pas dans le bon registre à la base, hein. Mais oui, non, mais en plus, bon, après, t'apprends ton métier d'acteur au bout d'un, au fil des années. Bref. Et sinon, bon, très vite, sans vraiment parler, en suivant, moi, j'avais Benedetta, Concrete Cowboy, qui est sur Netflix. Falling, et Don't Look Up. Ah. Voilà. Le fameux Don't Look Up. Ah. Voilà. On va pouvoir en parler longtemps, ça. Voilà. Moi, de mon côté, j'avais ça. Geoffrey, toi, t'avais Gagarine. T'avais Gagarine. C'est ton top. Ok. On va évoquer les flops. Nio, on a un flop en commun. Ah oui. Puisqu'on l'a vu ensemble en plus. Et on s'est fait chier ensemble. C'était vraiment. C'est la vie. C'est quoi ça? C'est la vie. Rien à voir avec une fois la vie. Hein. C'est un la, film. La comédie avec Josiane Balasco et Nicolas Morel sur la maternité. Ah la vache. C'est une pub pour la effroyable. Maternité. Ah ouais. C'est effroyable. La maternité pour. Voilà, le rôle. Après tout, une femme, ça n'a que deux objectifs. Quelle que soit la réussite qu'elle peut avoir, quelle que soit ce qui se passe dans la vie, son objectif, c'est trouver l'amour ou faire un enfant. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc, tout un programme. La seule blague intéressante du film, c'est « Ah, mais vous êtes Michel Drucker ?»« Mais oui, comme par hasard, je fais mon footing à côté, je vais vous appeler un hélicoptère !» Oh putain! Oui, parce qu'ils sont paumés. Il y a deux personnages qui sont paumés en pleine campagne et d'un coup ils tombent sur Michel Drucker. C'est. Waouh! Il y a Léa Drucker dans le film d'ailleurs, donc bon. Waouh! Bah alors c'est qu'il doit y avoir quelqu'un de Drucker qui produit. Oui! Et Studio Gabriel peut-être? Et on était. Déjà dans la salle, on était qu'une dizaine. Et quand on est sorti de la salle, il y en avait qui s'étaient sortis avant nous, qui étaient sortis en plein milieu du film, on était que quatre à sortir de la salle. C'était un samedi, hein? Oui, voilà, en plus. Oh merde! Ah ouais, à ce point? Ouais. Ça montre bon, après, bien après c'était un samedi en province, mais c'était un samedi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, c'était en plein samedi ou alors où, tu vois, récemment je suis passée dans le même cinéma devant le cinéma Spider-Man grosse queue. Donc si tu veux, bon, oui, voilà, ça montre bien que nous on a été naïfs, on s'est dit on va donner la séance à ce film mais en fait non, on n'aurait pas dû. Ouais. Non, c'est assez effroyable parce qu'en plus c'est filmé comme un téléfilm. Le rôle de Josiane Balasco, elle est censée interpréter un personnage un peu bourru mais au grand cœur qui agit comme un ange pour tout le monde, machin et tout. Ouais, tous les personnages comme qu'elle fait d'habitude, quoi. Ouais, comme un espèce d'ange gardien pour tout le monde, voilà. Mais en réalité, t'as envie de lui dire de quoi tu te mêles. C'est ça, si le père veut rester anonyme, mais putain, mais il y a une bonne raison mais derrière tout toi, ça, quoi. Mais toi, ton cul, laisse les gens vivre leur life, quoi. C'est hallucinant, quoi. Tu dis, mais. Tu rentres dans l'intimité des gens, t'es en train de voler son téléphone là, t'es en train de fouiller, fous-lui la paix. Harcèlement The Movie, c'est ça. Mais c'est ça. Mais je te jure, en plus, harcèlement The Movie, le personnage de Léa Drucker, c'est ça. La meuf, elle a tout. C'est vraiment. C'est horrible ce personnage là aussi, quoi. La meuf, elle accouche en visio parce que tu comprends. Sa vie profite. Ah, c'est elle. Voilà. Oui, c'est ça. Entre accoucher et faire aboutir un contrat, je crois, pour ou un truc comme ça pour des filles. Enfin, c'est voilà. Tu sens la métaphore, donner la vie et puis donner la vie à un missile gigantesque, etc. Tu fais, ok. Et puis t'as le personnage. Ah, t'as un des deux mecs de Golden Moustache qui joue dedans, qui est. Pourtant, le mec, ça n'a rien de séducteur. Mais il vous rencontre une meuf qui le voit comme le mec, genre, oh là là, il est trop bien. Regarde, il fait du marathon. Regarde, il sait faire du cheval. Regarde. En gros, c'est il est ça. Pour moi. C'est, tu dis, Le mec a rien de séducteur. Tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Erreur de scénario, erreur de casting, erreur tout. Mais en plus, ouais, c'est ça, le truc, c'est que, en plus, son personnage est marié et la fille se jette dedans, oh, bien sûr. Non, donc, la fille se dit, oh, bah, c'est l'homme de ma vie, quoi. Forcément. Enfin, il y a des trucs, je te dis, c'est effroyable. Santa Barbara, quand tu verras. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a, enfin, c'est des, oui, l'histoire de la meuf aussi, qui vient accoucher toute seule et en réalité, c'est super effroyable comme message à faire passer pour toutes les meufs qui accouchent toutes seules. Parce que, une meuf qui accouche toute seule, elle a une histoire qui n'est pas forcément la même qu'une autre. C'est ça. Et qu'elles ont toutes des raisons différentes d'accoucher toute seule, qui ne regardent qu'elle. Ah oui, et là, le personnage de Belasco, c'est effroyable, ce qu'elle fait, en fait. Donc, je suis assez, il y a le fils de Michel Lab, il y a Tom Lab qui joue dedans. Et puis, le couple de lesbiennes qui veulent avoir un enfant, etc. Ah oui. Et puis, du coup, on a quand même besoin du celui qui a mis la petite graine, le papa, et du coup ça va écarter l'autre nana lesbienne du truc. Tu te dis, mais what the fuck, quoi, mais tu brises le couple, quoi, Josiane, qu'est-ce qu'il te faut? Oui, et puis il y a ce truc de dire, bon, en fait, petit truc moralisateur, mais ouais, il y a des espèces de clichés comme ça. Il y a deux mamans, mais un papa et une maman, c'est voilà, mieux. Wow. Et puis oui, parce qu'en plus il y a ce truc de dire que comme de par hasard, tous les mecs sont hyper impliqués dans le rôle de leur père, quelle que soit l'histoire. Quel que soit le parcours, ils ont forcément tous envie d'avoir des gosses. Et là, on est en train de rire carrément, là. T'es là, t'es là. Mais tu dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Ce film est sponsorisé par Civitas. C'est ça. Mais c'est tellement ça. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Et Katou a dit qu'il y avait une mise en scène téléfilm. Moi, la seule audace que j'ai trouvée intéressante dans le film, et c'est au tout début, t'as des plans du corps humain pour montrer qu'il y a un bébé à l'intérieur. Tu sens que c'était fait par, tu sais, l'équipe d'infographiste qui fait un stage en troisième, etc. voilà, tu te dis, ah, c'est-à-dire une seconde, c'est, ah, et donc, on aurait pu demander à Cronenberg des conseils, parce que franchement, là, c'est, ah, même ça, c'est plat, quoi. Une semaine de taf pour faire une seconde d'animation. C'est ça. Bref, bon, bah, ça, c'était notre flop en commun. Notre petite pépite en commun. Mais j'ai vu que nous avions des flops intéressants, quand même. Ouais, alors toi, t'avais Venom. Ah oui. Et Sorcière 5 jours en enfer. Oui, alors même, j'aurais plus envie de dire du bien de Sorcière que Venom, pour le coup. Parce que Venom, je l'ai vu avec Geoffrey, et c'est un film qui est torché pour le cul. Donc c'est-à-dire que les scénaristes, etc., ils ont le personnage de Venom, ils se disent, on a un deuxième film, on a une deuxième chance. Eh ben, on va faire de la merde comme le premier, tu dis, mais non, putain. Donc, je sais pas, Geoffrey, tu veux en dire un mot, parce que rien ne tient dans le film, rien ne tient. Bah, en fait, le truc, c'est que le scénario tient sur un mini post-it. C'est vraiment, Venom s'en va parce que parce qu'Eddie Brock ne le laisse pas manger des humains. Ils sont tristes, enfin, il est triste de son côté, tout ça. Mais Carnage naît dans le corps de Cletus Kasady et veut juste tuer Venom pour être le plus puissant. Finalement, ils se réconcilient en deux secondes, Venom et Eddie. Ils vont dans l'église pour affronter Carnage. Venom fait « Ah, c'est un rouge, il faut qu'on s'en aille ». Et Eddie dit « Non, non, non, on se bat ». Ils se battent. Carnage est vaincu en deux secondes. Attends, il lui dit « Non, non, t'inquiète pas, on va se battre. Et comme ça, t'auras le droit de manger des humains ». Ah, c'est vrai? Eh ben, on va combattre! En plus, putain, c'est un adversaire redoutable, tu vas le combattre, tu pouvais les humains. En plus, ce sera même pas vrai. Voilà, il le mange en deux secondes, et c'est fini. Et en fait, en plus, le truc, c'est que c'est réalisé par Andy Serkis, mais les scènes d'action sont dégueulasses, c'est de la bouillie de pixels, on ne voit rien. Et j'aimerais rajouter juste un truc, c'est que ça n'a aucun sens que, alors déjà, parce qu'en fait, à la fin, dans la scène post-générique, Eddie Brock est télétransporté dans le monde de Spider-Man No Way Home, et on le revoit dans la première scène post-générique de Spider-Man No Way Home, il redisparaît, donc, petit 1, sa participation à l'univers de Spider-Man dans lequel se tient Spider-Man No Way Home n'a servi à rien. Et petit 2, ça n'est pas possible que ça se passe comme ça parce que dans Spider-Man No Way Home, le Docteur Strange dit à Peter Parker, Spider-Man, avec ton erreur, mon sort a attiré dans notre monde tous ceux qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Eddie Brock, dans la saga Venom, ne mentionne jamais Peter Parker, jamais ouais. Spider-Man, ouais. Ne sait pas qui c'est, donc ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est taillé par le cul. Ouais. Ouais. Déjà dans le premier épisode. Déjà, dans le premier épisode, il avait jamais été mentionné. Non, jamais. Donc, ouais. C'est pas qui c'est, il sait pas que c'est Spider-Man. Ouais. C'est vrai. Alors, ensuite, Sorcière. Oh, Sorcière, bah, c'est Neil Marshall qui continue sur la pente descendante, hein. En fait, Il a fait deux films intéressants. Il a fait Centurion en 2010, qui était pas dégueu, avec Olga Kurylenko et puis notre cher pas Viggo Mortensen. Non, pas Viggo Mortensen, Mads Mikkelsen. Un acteur. Mikkelsen, je crois. Non, non, attends, je crois, non, c'est, il me semble que c'est Mortensen. Il me semble que c'est Mortensen. On va s'y perdre les Mortensen. Oui, alors il y a lui. Et il avait signé aussi. Il faut pas confondre avec l'autre, par contre, qui a fait The Descent. Bah si, attends. Mais si, c'est lui, c'est lui, c'est Oui, lui, donc il a fait que deux films intéressants, c'est The The Descent Descent. et Centurion. Voilà. Entre-temps, il a fait Doomsday, tout ça, qui était tout pourri. Il a fait des épisodes de séries télé. Il a fait un Hellboy qui était décrié par tout le monde en 2019, qui s'est planté Oui, magistralement. J'ai pas oui. vu, mais Oh. voilà. Et comparé à son autre collègue anglais à qui on le confond, qui a fait Creep, qui a fait C'est Vance, Christopher Severance, Smith. Christopher, voilà, Christopher Smith qui a fait Triangle, c'est Creep, ça, qui est beaucoup plus imaginatif, qui sait rebondir. Là, voilà, dans les deux anglais. Donc là, sorcière, c'est quoi? Bah, c'est une sorte de sorcellerie, un peu comme ça, rien à voir avec les sorcières d'Akelar. Sauf que là, ben la nana, ben, elle a perdu son mec parce qu'il y a la peste, tout ça. Puis elle va être accusée par le Seigneur. Le Seigneur voulait tripoter son cul, hein. Mais elle veut pas, elle se laisse pas faire. Donc du coup, il va dire, ah, c'est une sorcière, regardez, celle qui a répandu la peste dans tout le village. À ce point d'incrédulité, tu te dis, mais what? Alors, elle est censée une pauvre femme qui a perdu son mari, mais elle a un cheval de course. C'est même pas un cheval de trait, parce que c'est des paysans. C'est un cheval de course. Quand tu vois le cheval, tu te dis, mais il y a une erreur Non, là. Vous renseignez quand vous écrivez un ouais, c'est scénario. clair. Le plus souvent, il aime bien filmer le cul de sa compagne, puisque l'actrice qui joue l'héroïne, eh ben, c'est la compagne du réalisateur. Donc son cul va être filmé très souvent, à plein de reprises. Il est fort joli, mais tu te dis à bout d'un moment, bon, concentre-toi sur l'histoire un peu là, parce que Bah, c'est. du coup, il le connaît bien, c'est comment le filmer. Oui, voilà. Ouais, Voilà. c'est le mettre en lumière. Ouais. Ah oui, alors oui, mettre en lumière, justement, la photographie du film est magnifique. Mais le luminage, il est trop joli, tu te dis, ouais. Même les cadavres, ils sont jolis, tu te dis, ils brillent dans le noir, tu fais, ouais, c'est. Alors, la peste, bon, on va pas mettre un filtre gris, hashtag Christopher Nolan, Non. mais quand même, merde, là, c'est un peu trop beau, quoi, c'est pas possible. Ah, c'est clair. Et non, il y avait de bonnes idées. Le début du film, filmé en noir et blanc, avec un morceau de musique classique contemporaine, façon Ligeti, tu te dis, avec un charnier qui est filmé, tu te dis, ah ouais, ça va être de l'avoir de la gueule. Et puis après, t'as madame qui enterre son mari toute seule. Alors, avec une pelle, elle enterre le corps, tu te dis, bon, déjà, il faut plusieurs personnes pour enterrer un corps, tout ça, etc. Elle arrive sans problème, elle dresse la tombe, tout ça, elle fait tout toute seule. C'est comme, elle a fait un bébé toute Oh seule. non! Bon, bah Non! là, elle a survécu toute seule. Puis du coup, il y a un inquisiteur qui va la choper, tout ça. Et un truc intéressant, c'est que l'inquisiteur, c'est une gueule du cinéma anglais qui fait que des rôles de méchants. Là, il est bien choisi. Mais surtout, le bras droit d'inquisiteur, c'est une femme qui a échappé au bûcher, qui avait été traitée de sorcière, tout ça, et qui est donc son âme damnée, son bras droit. Et qui va l'aider dans sa quête de rédemption pour prouver que oui, c'est une sorcière, regardez, elle veut pas avouer, tout ça. Et ça, c'est intéressant, le réalisateur développe bien cet aspect-là, avec cette espèce de duo, avec l'inquisiteur qui dit, mais non, regarde, tu as été sauvé par Dieu au dernier moment, la pluie a arrosé ton bûcher, etc. Il ne faut pas que tu doutes de ta mission, etc. Mais elle doute, et ça, bon, on sait qu'elle va peut-être se ranger aux côtés de l'héroïne, tout ça, Ouais. tout ça. Bon, après, le récit du film, bah, l'héroïne, elle est torturée, tout ça. Même les tortures, tu te dis, mais c'est même pas gore ni rien, c'est mou, quoi. Voilà, et puis même l'héroïne, la dernière partie du film, c'est Rambo, elle s'en sort avec une épée, elle gigot les gens, tu te dis, wow. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais quand on fait un film sur le Moyen-Âge, je demande pas aux gens de s'appeler Paul Verhoeven ou d'autres trucs, En mais France, faut c'est vous sur Moyen-Âge. renseigner un minimum, Ouais. quoi. Donc Ok. voilà. C'est un bon nanar. Moi, de mon côté, j'avais alors ex-æquo ex-æquo, j'avais un film dont je me souvenais plus. J'ai et c'était Je te veux moi non plus. Oh, le truc sur Amazon! C'est ça, j'ai vu le titre! J'ai Oh! vu le titre tout à l'heure, je me suis dit merde, c'était quoi ça? Et je regarde, je suis oh putain, merde! Alors pour. J'ai. En fait, c'est ignoble. C'est-à-dire qu'il a fait que je m'y reprenne à plusieurs fois. C'est vraiment. Alors, on sent qu'il y a l'énergie des acteurs qui sont dedans et tout machin, mais c'est ingérable. Enfin, tu peux pas l'ingérer ce truc. Tu peux pas. C'est super difficile à Et regarder, si quoi. on le fait passer par une autre voie? Non, non, mais c'est. Ah, c'est imbuvable comme truc. C'est quelle horreur. Je sais En fait, c'est comme un délire de pote. Ouais. Tu sais, quand tu dis... Alors, on dit que, voilà, toi, tu es ma meilleure amie et que... Bah, on dit qu'un jour, on va tomber amoureux. Et en fait, c'est... t'as l'impression que c'est ça comme état d'esprit et que bah, ils le jouent très sérieusement, tout ça. Alors, effectivement, en réalité, ils sont basés pour l'histoire, ils sont basés sur leur histoire à eux. Ouais. C'est-à-dire que Inès Reg et son gars, là, Kevin, quelque chose, ils étaient... ils ont été potes et qu'après, ils ont fini par se marier, mais et donc ça reprend un peu ça, mais il y a trop d'argent foutu en l'air. Et après, bah moi j'avais alors vite fait en disant Cry Macho, on en a déjà parlé dans la spécialiste food. Je serais moins dur. J'avais ça se regarde, ça se regarde. J'avais d'un œil. J'avais Zone Hostile, Vanguard. Vanguard, c'est le Jackie Chan. Army of the Dead, Bloody Milkshake, Haters, le dernier Kev Adams. Ah, tu l'as vu. Ouais. Jolt, Don't Breathe 2, Black Widow. Et alors, je suis désolée, mais SOS Phantom, l'héritage. Black Widow, c'est pas si... Ça se regarde, non, ça se regarde. Dur, hein. Zack Snyder, Justice League. Désolée. Ouais. Wonder Woman 84 et Red Notice. Grosse déception, Red Notice. Ah oui, Wonder Woman. Sachant qu'ils ont. Et clair, moi j'ai eu ce à quoi je m'attendais avec Red Notice, comme pas mal de monde. Bah non, parce que moi je m'attendais à certes un film burger, mais je m'attendais pas à ce qu'ils en soient à vouloir reprendre des codes de films des années 70. Oui. 70-80, tu vois, mais alors sauce à eux, et du coup c'est fait hyper grossièrement, quoi. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'assumer un bon gros film burger plutôt de vouloir faire genre, parce qu'en plus ils jouent mal, en fait, enfin surtout Gal Gadot. Moi Gal Gadot, je suis désolée, mais pour moi j'ai beaucoup de mal à considérer comme une bonne actrice, hein. Ouais. C'est elle joue souvent moche, en fait, mal. Alors faudrait peut-être lui trouver un réa qui sache vraiment la diriger et vraiment la prendre en main, parce que elle a pas d'aptitude d'actrice pour moi. Si je peux me permettre juste un ajout sur Gal Gadot, je trouve que Le premier Wonder Woman, il y avait un effort qui était fait. Fast and Furious 5, ça a beau être beauf, mais elle est bien dedans. Mais après, le reste, non. Et elle a raison, Katou, c'est une galère dans son interprétation, c'est une galère. Elle a toujours le même air. Cette espèce d'air de je suis méchante, je fais du Krav Maga. Mais j'arrive pas à desserrer un peu le balai dans le cul pour montrer que j'ai peut-être une sensibilité. Non, il y a toujours cette espèce de... C'est le côté, je suis belle et je suis une femme d'action. Mes deux flops qui sont à la limite de la moyenne, c'est Wonder Woman et Red Notice. Ouais, je comprends. Et je pense qu'elle y est pour beaucoup. Enfin, pas que ça, mais honnêtement, enfin, c'est quand même un hasard curieux, quoi. Donc, bon, voilà, quoi. Ah, il y a Don't Breathe 2 aussi. Hein? Don't Breathe 2. Ah oui, Don't Breathe 2, c'est... Bon, bref, je vais passer là-dessus. Mais après, moi, j'avais un peu de mal avec le 1 aussi. Donc, j'ai pas compris toute la hype sur le 1. Donc, oui, ça se regarde, mais sans plus, quoi. Et après, il y a des trucs assez effroyables. T'as l'impression qu'ils ont voulu faire exprès que ce soit effroyable dans le 1. Mais bon. Tandis que Sans un bruit 2, la suite, je la trouve encore meilleure que le premier film. Hein? Sans un bruit 2, je trouve le deuxième volet encore meilleur que le premier film. Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est une bonne continuité. Ils ont poursuivi l'univers, tout ça, ils l'ont bien encore rempli, plus rempli. Nelson, alors pour toi, on avait noté Fast and Furious 9. Oh, grand Dieu. Grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu te laisser finir comme ça. Ouais, écoute, c'est là, véritablement, je pense qu'on a touché le fond. C'est-à-dire que on voit pas, en fait, à chaque nouvel épisode, on se dit qu'est-ce qui va aller nous chercher qu'ils vont creuser encore plus. Ouais, qu'est-ce qui va aller chercher toujours plus fort. Le père Diesel, qui c'est qui va aller nous chercher comme star montante de l'action pour essayer de se faire valoir, lui. Pour la famille. La famille, hein, ça c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, ça a été noté par Dwayne Johnson, qui a fait justement un thread sur Twitter en disant je ne retournerai pas sur Fast and Furious, Et je l'ai dit, je n'y retournerai pas. Et c'est pas la peine d'essayer Parce que l'autre, il lui a d'y inclure mes enfants dedans. Mais oui, l'autre, il lui a fait, des appels du pied hyper grossièrement avec un montage de photos hyper grossier. Tes enfants m'appellent oncle Vince. Tu dis non, mais arrête, tu vois. Et du coup, là, il est parti chercher John Cena qui a un jeu monolithique. Voilà, qui est mal utilisé, qui est mieux utilisé dans Suicide Squad, je trouve. Qui là est très mal utilisé, avec une histoire qui est vraiment. Enfin, je veux dire, là, c'est. Autant quand j'avais vu le 5, j'étais waouh, c'est bon renouvellement de la franchise. Autant là, je vois celui-ci et je me dis non, là, faut s'arrêter. Parce que le truc, c'est que John Cena, en fait, il est. Quand tu regardes sa filmographie, tu te rends compte que le mec, bon, c'est pas un acteur. Ouais. Mais en même temps, avec la VVE, ils sont habitués à jouer des trucs et tout. Et en fait, ils sont assez. Les catcheurs sont assez malléables, en fait. Et ce qu'il leur faut, et notamment John Cena, en fait, c'est vraiment qu'ils soient aux mains d'un réa ou d'un directeur d'acteur qui se dirige vraiment, qui prenne en main, en fait. Ouais. Et d'où, c'est pour ça que ça marche avec James Gunn, ou dans Retour de France aussi, qui avait fait des trucs un peu comiques, c'est pareil, ou voilà, avec Amy Schumer aussi, le film qu'il avait fait. Et il faut vraiment qu'il soit dans des trucs très spécifiques, avec une vraie orientation artistique. Alors que là, dans Fast and Furious, on lui demande juste d'être un gros bon, on ne demande pas plus que ça. Donc, c'est ça, puis. Le jeu d'acteur, on ne va pas lui demander grand chose. Hein. Puis même, là, maintenant, il y a un problème avec Fast and Furious, c'est qu'il y a trop de personnages. Trop de personnages pour une quête qui tient à rien et avec trop d'esbrouf. Et le film est long, hein. Le film est long. Donc tu regardes le truc, tu dis putain, c'est. Bon, où elle est la télécommande, quoi. On va accélérer un petit peu parce que là c'est chiant, quoi. Il y a des phases, je veux dire la phase où il casse le pont, genre il y a la meuf Michelle Rodriguez qui est là, non, t'en vas pas. Et il arrive, il prend des chaînes, il casse un pont et tout, il saute dans le vide. Et tu dis mais arrête de faire faire une séquence comme ça, tu sais que l'instant d'après va revenir. C'est-à-dire qu'on les recettes sont tellement grosses qu'on n'y croit plus. Et là, le problème, c'est qu'on est au bout vraiment, véritablement du chemin des recettes utilisées pour ce film-là, tu vois. Et je veux dire, là, d'envoyer, t'envoies Tyrese et l'autre, là, Ludacris, dans l'espace, avec une fusée, façon, moi j'ai 4 ans et je vais vous faire voler la bouteille d'eau. Non, ça va. Je pense que c'était référence à Elon Musk et sa bagnole. Peut-être, mais là, franchement, là, ça va trop loin et franchement, très très personnellement, je me suis fait chier et j'ai trouvé ce film exécrable et véritablement je pense qu'il faut que ça s'arrête. Voilà, donc faites le 10 si vous voulez, mais arrêtez après parce que c'est plus possible. Très personnellement, c'est plus possible. Le meilleur c'est le 5, hein, perso. Parce que là, même ne serait-ce que Charlize Theron. Putain, Charlize Theron, c'est de la figure. Ouais, voilà. C'est carrément de la figure. 2 épisodes avant, c'était waouh, je la voyais, ça me lançait une érection, mais pas dans le sens dans lequel vous croyez, mais là, parce que c'était une vraie méchante, parce qu'elle était badass, que là, non, là c'est non, elle fait de la figure, elle est juste là pour faire l'autre qui se croit plus malin que les autres et qui va lui retourner le cerveau et à la fin elle va la voir, et tu dis bah ouais, mais c'était prévisible quoi, donc c'est tout pourri et il faut que ça s'arrête. Clairement. Alors, moi, j'avais juste une mention spéciale pour le dernier mercenaire que je n'ai pas pu classer. Parce que le dernier mercenaire, il est extrêmement mauvais, mais en même temps, il est extrêmement drôle. Et j'ai quand même adoré le regarder, en fait. Rappelle-moi, c'est avec qui ça ? Van Damme ! Ah, oh là là ! Oh là là ! Mais oui, oh, j'allais l'oublier celui-là ! Oh la vache ! Oh la vache, mais alors ça, c'est le summum ! Mais non, mais en fait, tu vois bien que c'est super mauvais, mais j'étais mort de rire en le regardant. Et j'ai passé un super moment. Donc, un vrai nanar, quoi. Un vrai nanar total. En devenir. Ah, mais total. Ah, bah, c'est devenu même. Hein, c'est incroyable. Oh, faut incroyable. Que je le vois. De bout en bout, c'est incroyable. Ah, faut que je le vois. Dire le comment on appelle ça, le gamin, que ça peut, je crois, s'appelle Archibald. Parce que c'est le nom du grand-père. Et que genre, il l'a eu avec une daronne rebeu. qui finalement après il l'a abandonné, mais il a pas vraiment abandonné. Il y a Michel Cremades dedans. Ouais. Michel Cremades qui jouait dans le Boulet, qui joue plein de second rôle dedans, enfin dans plein d'autres films qu'on voit dedans et qu'on se dit mais bordel de merde. Il y a Miu Miu dedans, il y a Patrick Timsit. Et tu sais Miu Miu mais qu'à côté là tu fais mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu joues? Mais tu regardes le truc et tu te dis mais ok bah faut payer le tiers provisionnel en fait. C'est ça. Et tu sais le film tourné à moitié en Ukraine, moitié en France, que les trois quarts des décors que tu regardes, tu dis ça c'est pas en France c'est en Ukraine, ou en République Tchèque je sais plus, mais en tout cas des pays de l'Est, les trois quarts des séquences t'es là tu regardes le truc et tu dis non mais j'y crois pas et puis c'est pas drôle. Et puis, tu sais, t'es là, tu plus t'avances. C'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Ouais, plus t'avances. Moi, je suis désolée, j'ai adoré parce que j'étais morte de rire pendant tout le truc. Plus t'avances et plus tu dis, mais c'est ok, le mec, il a voulu faire un truc genre dans le délire la totale ou opération cornet de bif ou truc comme ça. Mais ça tient pas. Ça tient pas. C'est un enfer. 1h40 où tu regardes le film et tu dis, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Je voulais pas que ça s'arrête. Mais non, mais moi j'étais atterré parce que tu sais, je veux bien moi Van Damme qui se fout de sa gueule, qui veut faire un peu d'autodérision, d'accord, mais il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait correctement. Alors pour le coup, là je trouve que Van Damme était à sa place. Là où il est pas à sa place, c'est dans Haters avec Gav Adams. Ah, je l'ai pas vu ça. Il a une petite scène où il fait le mec un peu bourge, enfin machin. Et t'es là, tu fais quoi? Ok, d'accord. Mais attends, dans le dernier mercenaire, même les déguisements tiennent pas. Oui, mais justement. Même les déguisements, ils tiennent pas. Même le personnage de Timsit. Il a des déguisements qui débarquent de la foire fouille, quoi. Ouais, mais le personnage de Timsit encore, j'avais une petite tendresse pour lui. Parce que je me disais, ouais, ça lui va bien de jouer les vieux briscards de l'armée et tout, truc comme ça. Mais après, quand on arrive au moment de pourquoi il le déteste, j'ai fait mais non, et là ça tourne à l'enfer. Et même Eric Judor dans une interview récente, comment elle s'appelle, Miu Miu, disait que la personne avec laquelle elle a le plus de difficultés à travailler, c'est Eric Judor, parce qu'il connaît pas son texte et qu'il improvise. Tu te rends compte? C'est-à-dire que le mec, tu vois toutes les séquences, tu vois que le gars il est plus en galère de coke qu'en galère de ligne, quoi. Là, tu vois, ou en galère de ligne, mais pas la bonne ligne, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu regardes le truc, c'est vraiment, c'est un enfer. Moi, c'est un nanar en devenir, je suis d'accord. Mais oh, vraiment. Il est bien, bien défini. Mais franchement, là, j'ai été atterré. Le mec, en plus, la bande annonce, elle te dit tout de suite que c'est de la merde. La plupart des acteurs, tu les connais pas. Tu vois? Le gamin, tu sais pas dans quoi il a joué. La gamine qui est avec lui, la Renoir, tu sais pas dans quoi elle a joué. Le tu sais, peut-être elle a fait un court-métrage, je sais pas, moi je respecte, elle a fait peut-être d'autres trucs avant. Mais là, non, ça ne tient pas. Les trois quarts des trucs ne tient pas. Et puis putain de merde, il y a Michel Cremades dedans, quoi. Putain, tu pouvais le refaire revenir dans un autre truc. Là, tu sais, c'est le retour des morts vivants. T'as l'impression que t'as fait un film, tu sais, défini et écrit il y a 20 ans. Il y a 35 ans maintenant, il y a 30 ans, d'accord? 30 ans, voilà. Ouais. Écrit il y a 30 ans, mais que Van Damme, il était pas à dispo à ce moment-là. Il s'est dit, vas-y, dans 30 ans, je le referai. Voilà ce que ça m'inspire, ce film. Tu veux dire comme un cry macho, c'est ça? Comme un cry macho. Exactement. Exactement ça. Voilà. Non, franchement, moi, je suis sûre que je me le reverrai bien. Ah, moi, je me le revois, le reverrai, c'est sûr, mais avec des potes. Ouais, pas tout seul. Ouais, ouais. Ah, je me le revois avec des potes, on se fend la gueule devant un bon nanar. Comme on se le fait pour un bon film de ninja ou un truc comme ça. Mais sinon, tout seul, c'est non. Ouais, tout seul, moi je dis, j'adore. Mais on va voir après. Ah non, voilà, donc c'était là. Nelson, il décroche son téléphone Garfield et il fait, il faut que je reconstitue l'empire des ninjas. C'est ça. On va appeler, comment il s'appelle, George Harrison, qui est mort depuis longtemps. Donc voilà, c'était, t'avais un flop, toi? Ouais, alors j'ai pas eu de... En 2016, il y avait eu deux flops qui m'avaient éclaboussé la gueule de merde. Même chose en 2018, il y a des années sans ça. Cette année, c'est pas le flop qui m'a atterré, mais... Je le dis pas assez, ouais. Mais c'est Geoffrey, en fait, hein, qui parle. Donc, ouais, mais j'en ai un quand même. Bah, je pense que s'il fallait que je donne une mention flop à... 2021, bah moi je suis désolé, je donne ça à la troisième partie de Fear Street qui est sortie sur Netflix. J'ai trouvé ça épouvantable. C'est, si je devais choisir un mot, ce serait, c'était lourd. C'est vraiment, c'est la troisième partie. Autant le numéro 1, le numéro 2, c'est pas bien, mais on s'amuse quand même un tout petit peu. C'est bourré de problèmes et on s'amuse quand même un tout petit peu. La troisième, c'est lourd. C'est long, c'est pas fin, c'est complaisant, c'est horriblement complaisant. C'est la scène de l'église là, c'est horriblement complaisant pour rien. C'est censé être un peu dramatique, ça ne l'est pas. C'est interminable, lourd et ça se termine sur Gigantic des Pixies. Moi je me disais oui, c'est gigantesquement con. Ouais. Merci. Enfin, voilà. Voilà. Et j'aime beaucoup Errolstein pourtant. D'accord. Bah, c'était notre petite revue de l'année 2021. On espère que l'année 2022 sera belle, cinématographiquement parlant, sachant Sans le qu'on. dernier mercenaire. Non, l'avant-dernier mercenaire. L'avant-dernier. Oh, oh oui. Mais attends, je suis en train d'imaginer le truc là. Non, non, c'est non, c'est non. Voilà, bah on vous laisse et puis on vous dit à un prochain numéro, on espère, non pas trop longtemps. Voilà. À bientôt. Bye bye. Salut.